is a human right violation. L'excision est criminelle. Il faut que ça s'arrête. L'excision est une tradition criminelle. Il faut que ça cesse. L'excision est criminelle. Il faut que ça s'arrête. L'excision est une tradition criminelle. Il faut que ça cesse. C'est une mutilation sexuelle qui peut être mortelle. C'est une violence faite aux femmes. Female genital mutilation is a human right.